Bonjour à tous et bienvenue à mes amis Béliers. On va regarder pour vous quel est le tirage du mois d'avril concernant vos amours. Alors on va demander un conseil aux Bélines pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos amours en avril 2023. Alors, apparemment, il s'agit d'un changement, d'une découverte. Vous allez sans doute découvrir quelque chose concernant vos relations en avril. Alors, pour les Béliers, avril 2023. Bon, apparemment, c'est un mois qui va être marqué par les conversations. Vous allez pouvoir profiter de nouvelles invitations, de sorties, de rencontres qui vont vous rendre, vous apporter le bonheur, la joie. Et apparemment, et d'après la coupe, vous allez peut-être découvrir des choses, apprendre quelque chose par rapport à vos amours. Et qu'est-ce que c'est? Ben, apparemment, cela va apporter un changement qui va vous amener la paix de l'esprit. Donc, en gros, moi, j'ai l'impression que si vous êtes en couple, eh bien, votre partenaire, l'objet de vos désirs, va vous dire, va vous annoncer quelque chose qui va vous rassurer par rapport à votre relation. Et si vous êtes célibataire, eh bien, dans ce cas-là, une rencontre est vraiment probable. Vous pourriez bien vous rapprocher d'une personne, faire une rencontre au cours du mois d'avril. Alors, en tout cas, je vous souhaite de profiter de ces beaux moments.